Is ok? Formidable. 2019 alors? On a l'antenne? Générique! That's cool. Station, station. La station de la station. Bonsoir. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Crackroom sur Station Station à Station à Station. Cathédrale sur plage de la porte d'Aubervilliers, soleil d'hiver, soleil nord-est, saison 2, année 2019. Et c'était pas fastoche, et pourtant on l'a fait, nous avons réussi à passer cette année terrible que fut 2018. Alors bien sûr, de grands souvenirs mais peu de regrets. Oui, on a gagné la Coupe du Monde, oui, on tente de plonger le pays dans le chaos en portant des chaises du bleu fluo, oui, cette émission, votre émission préférée, a appris à mieux gérer ses aspects techniques, et on s'est même enrichi d'un chroniqueur aujourd'hui absent, puisqu'apparemment, monsieur Jean-Michel Péril avait mieux à faire, genre tenter de faire décoller sa carrière d'acteur. On t'embrasse Jean-Michel. Bonne chance Jean-Michel. Alors oui, j'ai fait référence à Soleil Nord-Est parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je reçois dans ma cathédrale Charles Cros et Thomas Durevis du Turc Mécanique. Salut. Alors. Le Turc Mécanique, en effet, qui fête sous peu ses 7 années d'existence, 7 ans à sortir des disques et à charbonner des tournées, on en parle tout au long de cette émission. Également sur nos bancs, Lancelot Dubar. Chanté. Alors je ne sais pas trop, je sais pas trop ce que tu m'as préparé, tu m'as dit que c'était une surprise. Bah, je suis bien apparemment tu seras le fil rouge de cette émission, d'après ce que j'ai compris. C'est la surprise. Tu animes le chat aussi, je crois. Ah ouais? Oui, tu animes le chat. Ok. Je fais avec mon propre téléphone, c'est ça? Bien sûr. On peut d'ailleurs filer ton numéro non, pour la hotline. Et oui, également, on va filer ton numéro à l'antenne pour la hotline sur la page de Vaticool, également peut-être sur celle de Station Station, on ne sait pas encore. Et à la régie, ce petit gars formidable, il gère les niveaux comme personne, il est présent sur chaque émission, il est remonté comme un couteau suisse, comme un coucou suisse, pardon, et pas comme un couteau suisse, le démodable Romain. Ça applaudit bien. Un public déchaîné, mais un peu bridé aujourd'hui dans cette émission formidable, qui est Vaticool. Et bonne année à tous! Attention, la régie était pas prête! Bonne année à tous! Bravo! À vous, bien sûr, dans cette église, mais aussi à vous qui nous écoutez depuis vos bureaux, vos maisons, vos téléphones intelligents, que ce soit du live ou du podcast, mes trêves de parlotte. Un disque, Charles? Par quoi tu peux commencer? Par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Strasbourg Direct, c'est une exclusivité. Alors il est sorti ce matin. En Noiser avec l'interview de la pote Anaïs qui fait le mofo. Et vu qu'ils y jouent, on a dit bah vas-y, on lâche un morceau qui sera sûrement sur le prochain EP qui devrait sortir d'ici le printemps. Alors comment il s'appelle ce morceau de Strasbourg? Il s'appelle Salle des Fêtes. Salle des fêtes. Je te l'ai envoyé dans un WeTransfer très particulier. Alors, si tu ne l'as pas, ça va être un premier carton pour le ballon d'or du stream. Ah, 2018. Ce serait con hein, que je ne l'ai pas. Alors, sinon, j'ai peut-être autre chose éventuellement. Écoute, commençons par autre chose. Alors, laissons les exclusivités pour tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Ne brûlons pas la chandelle, parler de vous. Alors, 2019 commence à peine, mon petit Charles. Tu peux peut-être mettre leader de Télédétente 666 qui joue sur notre anniversaire le 16 février à la station Gare des Murges et donc on va en profiter pour écouter cette rareté qui devrait sûrement ressortir un jour. Si c'est le dernier moment qu'on pourrait vivre avec lui, c'est une occasion qu'il ne faut surtout pas manquer. Et c'est une occasion qu'il ne faut surtout pas manquer. Je perds mes bras et c'est parti pour Leader, notre bien-aimé de télé détente 666. Cool. Épisode 30, en compagnie donc de Pasteur Charles, Thomas Durevise et Lancelot du bar. Alors, 7 ans de Turc Mécanique que l'on fête dans un mois. Yes, indeed. 7 ans, l'âge bête, l'âge de raison, je ne sais pas. On va en parler donc tout au long de cette émission et. Le cinéma, la peinture, la photographie, la musique. Ça n'intéresse personne. C'est pour ça qu'on en parle. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, faut parler vraiment en face du micro. Pardon, je viens d'arriver, donc j'étais un peu de côté. Thomas vient d'arriver, Charles est sur son téléphone, il s'en fout complètement, il est sur les réseaux sociaux. J'essaie d'avoir un peu d'auditeur quand même. Il essaie de gratter de l'audimat, bien sûr, parce que les 7 ans du Turc Mécanique ont leur importance. Formidable. Donc, alors que j'ai l'impression de parler dans le vent total. J'avoue que là, pour l'instant, ouais. Là, pour Thomas, l'instant, ouais, tout le monde s'en fout, c'est formidable. Sur les réponses. Ben, en fait, c'est difficile de parler des 7 ans, dans la mesure où c'est toi qui es là depuis 7 ans, Pedro. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais bon, tu peux mytho. De toute façon, c'est n'importe quoi, c'est Vaticool. Donc. Ça, attends, comment ça, c'est n'importe quoi, c'est Vaticool? Est-ce qu'on lance pas le défi du jour, qui est quand même de ne pas dire le turc mécanique, mais bien de dire pendant toute l'émission le truc mécanique? Et oui, puisqu'en effet, on est sur les 7 ans du truc mécanique, comme on peut le constater. Merci pour la vanne, Charlie. Ce qui est, non, mais c'est, et non, non, non, mais c'est la... le plus irritant du monde, et Roger m'a proposé ça hier, et j'avoue que je suis très excité. Qui est aussi à l'idée faute de que dire truc mécanique. Permanence. Oui, c'est aussi une faute que tu fais en permanence. Ah, ça c'est formidable. 7 ans donc, bah 7 ans finalement ça a commencé juste avec toi donc, Charles. Oui, enfin on était quand même une petite. On était 3 au départ, il y avait vous étiez 3. Edo et Lucie, ouais. Ouais. Et puis en fait, ils avaient autre chose à foutre très vite. Alors du coup, je me suis retrouvé à le faire tout seul très vite. Et très vite, je crois qu'on parle d'à peu près 2 semaines. Ouais, on parle du temps de peindre des cassettes et puis hop, fini. Mais c'est pas grave, hein, c'est tout à leur honneur. Tu vois, y a pas de souci. Et alors que mon PC s'emballe. Ah, ça, c'est technologique. Bravo. La technologie formidable. On reste dans Vaticool. Bravo. C'est vraiment une belle émission. Ah ça. Une émission bien préparée. Et ben, Robin à la régie. Est-ce qu'on entend Robin dans le stream? Je ne sais pas. On ne l'entend pas aujourd'hui dans le stream. Bonne année. Qui souhaitait évidemment bonne année à nos auditeurs. Nombreux, nombreux, nombreux. Très nombreux sans doute. Je n'ai pas encore les chiffres. 7 ans, donc tu as commencé avec 3 personnes qui t'ont laissé vaquer à tes occupations. Vaquer à mes occupations. De toute façon, je suis quelqu'un d'assez... C'est assez rare que j'arrive à combiner avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'avec Thomas, on s'en sort bien. C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien gérer tout moi-même. C'est grâce à mon caractère flexible et pleutre. et du coup, bah, c'était pas plus mal, je t'en prie une clope. C'était pas encore plus... Bah oui, ça va être toute la mission. J'ai bien fait que j'arrête 3 paquets aujourd'hui. Et du coup, après, écoute, je me suis retrouvé seul à bord. Et puis, tu vois, j'ai raidé Pépère pendant 4 ans, 5 ans. 4. Et puis, toi, t'es arrivé à la 4e année, en fin de 4e année. Et puis, depuis, on ride à deux. On est sur un. Comment ça s'appelle un vélo à... Ça s'appelle un tandem. Un tandem. On fonctionne. Ah, ben, en tandem. Ah, oui, merci. Oui, Charles. D'accord. Oui, c'est bon. Alors, aujourd'hui, Charles découvre les expressions françaises. Oui. Un jour et je crois que Lancelot avait une petite chronique à ce sujet, ah ouais, sur les expressions françaises. Bref. Dans 4 ans, je vais lancer ton jingle de suite. Ça, c'est un jingle aléatoire. Donc, Lancelot, ta petite chronique sur les expressions de la langue française. Ah ouais, c'est vrai, c'est parce que j'étais... Alors, tu parles dans le micro. J'étais venu avec ma bite et mon couteau. Et oui, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste venu avec ma bite. C'était pour ça, Roger, les expressions françaises. Eh oui. Ok, je sais pas si je vais faire 5 minutes là-dessus. Non, rassure-toi. Bah, je suis rassuré, là. Tout va bien. 2019 commence sur les chapeaux de roue. On voit que l'émission est bien préparée une fois de plus. On a eu tout 2019. Thomas me regarde avec un air un peu perdu. Il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Plein de compassion. Pendant que Charles, lui, reste sur les réseaux sociaux parce que je suis un patron de label, j'ai des responsabilités. Il est patron de label, il n'a pas que ça à foutre. Je crois que c'est Uber Eats là, le dis-moi. Alors, je me suis d'ailleurs fait à midi un délicieux tandoori thaï, curry thaï. Le curry thaï rouge, celui qui est un peu épicé, et c'était un délice. Formidable. Je recommande Pattaya. Si tu vis dans le sud 92, c'est sur Uber Eats, tu dois le trouver. Oui, puisque on le rappelle en là, effet. En l'occurrence, non. Le truc mécanique, finalement, c'est un label qui est basé à Bourg-la-Reine, c'est ça? Qui est basé, qui est charmamment basé à Bourg-la-Reine. Le truc, ah, c'est horrible. Le truc mécanique est basé à Bourg-la-Reine. Super. Est-ce que on écoute peut-être un autre morceau et on continue ensuite sur cette belle lancée? Alors, histoire que tu termines ta commande. Bah ouais, mais intéresse-moi et puis après peut-être que je terminerai ma commande. On va peut-être faire ça. Tu vas te calmer, mollo, Kaira. Alors qu'est-ce qu'on met, Thomas? Qu'est-ce qu'on écoute, Thomas? Je me souviens plus exactement ce que j'avais mis dans la playlist. Allez, pendant ce temps, l'un des groupes du truc mécanique est dans la régie. Ah, il y a Baptiste. Ouais. Ce bon vieux Baptiste. C'était et merde. Incroyable. Venu pour niquer des mères. Allez. Bon Baptiste. C'est un type formidable. Incroyable. Donc, ouais, donc on a bien écouté Coeval. Allez. Ça vous va? Comment tu dis? Coeval. Coeval. Et on en parle après. Mon accent anglais. Coeval, et on en parle après. Le morceau s'appelle Fallow Heart. Yeah. station, station. La radio. La station. Oula. La station. Allez, viens, tiens, regarde le jingle. Hein. Et Vaticool, épisode 30, avec donc les jingles particulièrement réussis, comme à leur habitude. Comment ça va? Alors, Charles est toujours sur son téléphone. Oui, c'est vrai. C'est la sobriété. La sobriété te... Uber Eats, ta Tinder. Allez, les ouïes. Il fait ce qu'il veut, Charles. Il fait ce qu'il veut. Il est venu parler du truc mécanique qui est complètement à l'aise. C'est horrible à entendre. Alors, allô? C'est bon, tout marche? Formidable. Délicieuse musique d'ambiance dans mes oreilles. Oui, oui. Il vient d'où ce nom du truc mécanique? Non, me la pose pas celle-là. Mais je t'avais dit de bosser, tu te démerdes maintenant. Non, c'est une blague, c'est ça? Tu l'auras c'est pas. Parce que... C'est une escroquerie du 18e siècle. C'est parce voilà. que. D'accord. Sur Wikipédia, on est donc d'accord sur le fait que finalement tout ce label repose essentiellement sur l'arnaque. Voilà, mais ça tu le savais depuis longtemps. Arrête de mâchonner quand tu parles, c'est incroyable ça. Ah, t'as ramené des petits coca aussi. Mais oui, mais c'était pour lui au départ. Ah, prends des petits coca. C'est bon les coca. Tu veux un petit coca? Donc, on vient d'écouter Fellow Heart de Coeval. Peut-être qu'on pourrait en parler un peu. Alors, Coeval est un groupe britannique qui nous vient de Hackney, qui est constitué donc de Benny Poulet, Jack Gay et Quentin, qui était le bassiste d'Empereur. D'accord. Voilà, une autre grande trouvaille du truc mécanique à l'époque. Et donc du coup, Coeval nous a livré en septembre dernier ses 4 merveilleux titres. Donc ça, c'était un petit inédit qui n'a pas été sur la cassette originale. Mais voilà, qui sont tous un peu de cette délicieuse facture-là. Cette ambiance assez dark, plutôt suave. Avec des petites guitares. Et c'est un groupe qu'on aura le grand, grand, grand, grand plaisir et honneur de faire jouer à l'occasion de notre anniversaire ici, dans les murs historiques de la station. Le 16. Le 16 février donc, puisque sinon ce serait aujourd'hui. Oui, bah oui. Hey. Donc voilà, bah à propos de Coeval, ça démonte pas mal. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je crois que Charles aime bien aussi, mais Charles n'a pas envie de parler. Si, moi j'ai super envie de parler. Incroyable. J'ai super envie de parler, je trouve que ce groupe est mortel, voilà, je suis très heureux de l'avoir sorti. J'ai très hâte de voir leur premier concert à Paris, je pense que ça va tout démonter. Formidable. Excusez-moi, hein, je suis en train de gérer des deals de teuf. Non mais s'il te plaît, tu peux pas attendre 17h non, pour gérer tes beaux. Voilà. Très bien, Charles. Très bien, Charles. Alors, je ne peux pas en parler pour l'instant. Formidable. Parce que tu as une actualité aussi, tu es également disque jockey. Ah, on arrive déjà là maintenant? Non. D'accord. Oui, je suis par ailleurs disque jockey, c'est le nom de Pasteur Charles. Formidable. Je joue essentiellement de la house qui répand l'amour sur le monde. Ah, et Robin vient d'entrer dans le studio. Que se passe-t-il? Tout va bien? Ouais, tout va bien. Il vient juste me taper un petit peu. Il vient taper des filtres. Non, prends la pour l'instant, la barrette, Baptiste derrière de Braco, donc un autre orchestre du truc mécanique. Il bidouille la console et essaie de faire planter le stream. Non, touche pas. Non, vraiment, Baptiste. Ça, c'est un truc du truc mécanique. C'est vrai, semer le chaos en permanence. Hein. Le sabotage. Saboter, tout le temps. Non, mais du coup, on ne sait pas ce qui sabote. Mais du coup, vous. Vous sabotez d'autres trucs, vous sabotez vous-même, comment ça se passe? On sabote nous-mêmes, hein, on est plutôt bon pour ça. Vous êtes après, plutôt... après, par exemple, je crois que la charmante marque de bière Heineken se souvient qu'on l'avait pas mal sabordé sa petite cabane à We Love Green. Joli souvenir. Ouais, joli souvenir. Qu'est-ce qu'on a sabordé d'autre? Bon, je sais pas, après on a dû... Ouais, après sinon nous on sabordé... Bah, nos pommes déjà, pas mal quand même. Ouais, voilà, on saborde pas mal nous-mêmes, ouais. Formidable. Puis on s'aborde des groupes aussi, faut quand même pas déconner, ils nous filent les 10 vu comment on les traite, tu vois, c'est pas évident. Et oui, ce n'est pas facile. Donc ça sort des disques vinyles, ça sort des cassettes aussi. De temps en temps, quand on est fatigué. Oui, c'est à peu près ça. Quand il n'y a plus d'argent. Ouais, quand il n'y a plus d'argent et quand c'est éventuellement une petite présentation, un truc comme ça, ou alors un disque, tu vois, un petit disque d'actu, quoi. Genre. Dans le cas de Coeval, c'était une démo. Donc ouais, c'est ça, c'était un peu une présentation. Ouais. Et c'est surtout eux qui l'ont sorti, la cassette. Nous, on en a pris quelques exemplaires, mais c'est eux les producteurs de l'objet cassette. C'est vrai. Très bien. Rendons-leur ce qu'on leur doit. Un paquet de pognon. Le truc mécanique. un label de petits artisans. Ouais, ouais, c'est... Non, bah non, nous, on est plutôt sur un format start-up. Hein. Nous, on est vraiment sur la grosse gagne. Le but, c'est vraiment... Tu vois, là, il y a Braco. Le but, c'est vraiment, avec eux, de dégager, de faire une marge et ensuite de revendre. On a le produit. Une stratégie très scale-up, quoi. C'est un peu la grosse idée, quoi. Très salope, aussi. Absolument. Ouais, ça, c'est bien notre trick. Je crois, Lancelot, que tu es également expert en start-up. En salope, plus. Eh bien, c'est formidable. C'est ta deuxième chronique de l'émission. Attention, jingle pour Lancelot. Ça, c'est un jingle aléatoire. Et donc, Lancelot, tu vas nous parler des salopes. Oui, bah, j'ai... Vas-y. Putain, j'ai un peu de mémoire là pour le... Ah merde, c'est con. Mais pourtant, t'as tes fiches avec toi là, je vois tes papiers éparpillés partout. Bah ouais, c'est vrai que j'ai bien bossé quand même. C'est vrai que t'as bien bossé. Bah comme toi, non? Oui, tout à fait. On a bossé ensemble. On a travaillé ensemble. Picotti. Picotti, dédicace à ce bon vieux Clément Léon Bob. Que l'on salue. Qui s'y connaît mieux. Écoute, écoutons autre chose. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on écoute autre chose. Bah alors, qu'est-ce qu'on peut écouter? On peut écouter un vieux de la cave, pour rester dans le rock. De rocker, on va écouter de la cave Territory. Alors... Qui est une version live. De la cave. Ouais, qui est une version live donc d'un morceau qui est, je crois, ressorti après sur Teenage Menopause. Affirmatif. Et moi, j'ai une affection pour les deux morceaux qu'on a sortis comme ça, parce que je les trouve plus violents, plus serrés, plus rugueux, plus sanglants. Surtout parce que t'aimes bien bitcher sur les sorties des autres, non? Oh oui, c'est vrai. On va y aller. C'est parti. On aurait pas un buzz là? Oui, tout à fait. Nous avons en effet un buzz. Limousin. Un buzz. Un buzz limousin. Un buzz qui nous vient tout droit du Limousin. Mais apparemment, d'après Régis, ça va. C'est géré. À peu près. Bon, ça, c'est, oui. Bravo. Alors. Bravo à la Régie. Alors que Pasteur Charles continue à gérer ses réseaux sociaux en se tenant le vent. Merde. Ah, formidable. Thomas, lui, a sa petite banane. Une petite banane de bicraveur. Avec sa drogue. Une petite banane de bicraveur. Il bicrave des colas. Il bicrave du cola. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas, il s'est quand même enchaîné plusieurs shops à vélo avec, son célèbre sac Deliveroo. Et donc, du coup, oui, il a vraiment bicrave des disques, mais pendant toute la première partie de l'après-midi. En mars. Non mais vous avez le bon jour de Born Bad du coup, tout le monde va très bien là-bas, il fait chaud. Voilà une bonne nouvelle, on aime bien Born Bad. C'était l'occasion, tout ça quoi. Qu'est-ce que tu leur as apporté chez Born Bad? Je leur ai apporté des disques de Tôle Froide. Tôle Froide. Ouais, qui joue pas plus tard que la semaine prochaine. Ouais, 25. À Lafayette Anticipation pour Closer Music, un excellent festival de musique d'aventure. Ils partagent, parce que c'est trois filles, ouais. Elles partagent l'affiche avec Tirza. Ce soir-là. Voilà, que Thomas aime bien. Que j'aime beaucoup. Alors, on rappelle où c'est peut-être ? Alors, c'est à Lafayette Anticipation. Lafayette Anticipation qui est. Et j'en sais rien, je t'avoue. Qui est, eh bien, quelque part. C'est dans le quartier de Saint-Lazare, me semble-t-il. Et c'est donc le festival Closer Music, c'est ça ? Ouais. Qui est curaté par M. Blanchot, qui faisait avant la Villette Sonic, si je ne m'abuse. Ouais. Étienne Blanchot, bien sûr. Voilà. On aime tous, que l'on salue, grand monsieur. Grand monsieur de l'éternel. Qui du coup nous fait le plaisir de booker Tôle Froide, quoi. Ça va être génial. Voilà, ça par contre on est très fiers de voir un groupe surtout de punk au milieu d'une programmation ma foi assez subtile. Voilà, c'était mon petit ça prouve que le groupe qu'on peut être punk et relativement subtil. On peut être punk et subtil, c'est l'objet je crois de ta nouvelle chronique Lancelot. Alors qu'on peut pas être subtil et punk. Alors ça peut aussi. Merci pour cette le timing est parfait. Quoi. Décidément, mais le timing est parfait. On sent que tu as vraiment suivi le fil tout au long. C'est ça, moi, je suivrai le fil, Roger. Puisque tu es le fil rouge de cette émission, on le rappelle. Grâce à mes chroniques. Grâce à tes chroniques, tes très nombreuses chroniques. Des mini-chroniques. Petites, ouais. Oui, on a décidé de plus trop faire en la qualité et de faire surtout dans la quantité maintenant dans Vatican. Parce que Jean-Michel Péril, c'était Cali, ça ? Oui, Jean-Michel Péril, bien sûr, on l'adore. Bisous. Hein. Bisous. Hein. Sur ce, peut-être un petit point de la part du chat, Lancelot. Qu'est-ce qui se passe sur le chat ? Il paraît qu'on a une grosse fanbase au Limousin, là. Alors. Big up ! Big up au Limousin, du coup. Grosse fanbase dans le Limousin, que l'on salue, bien sûr. C'est notre public, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de concerts punk et subtils au Limousin, Charles ? Alors, très bonne question. Il y a quoi dans le Limousin ? C'est quoi les villes du Limousin ? Ah, attends. Limoges. Oh, attends. Limoges ? Non, on n'a jamais allé jouer à Limoges, putain. Et ben on lance un appel à notre fanbase du Limousin. Voilà, organiser les 7 ans du Turc Mécanique à Limoges. Moi, je suis le limogeage du Turc Mécanique. Il fallait la sortir celle-là. Bravo. Ah mais attends, il y a aussi. Non attends. Non, j'ai rien dit. Il y a aussi Coulonges, la Rouge et Brive-la-Gaillarde. Ah c'est beau Coulonges, la Rouge. Ah, tu connais ? Ouais, je connais Coulonges, la Rouge. Alors décris-nous un peu dans ta nouvelle chronique. Mécanique là-bas. Allez faire des trucs bien mécaniques. T'as fait des trucs mécaniques à Coulonges, la Rouge. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça a l'air un peu dégueulasse et tu vas nous en parler de suite. Attention. Ma quatrième chronique ? Ok. Oui, mais alors j'ai un jingle spécial pour toi, c'est... Lance-le. Non, Coulonges-la-Rouge, c'est une vieille ville médiévale, tout en rouge, c'est incroyable. Je sais que ça donne pas hyper envie de partir en vacances quand j'en parle comme ça. Ça sonne beaucoup moins sensuel surtout, mais... Putain, j'ai déconné encore. Alors, je tiens à préciser que je viens de recevoir un message... Du Limousin ? Alors, qui nous dit « Créer l'hymne des Corsaires de Nantes et jouer au Hellfest. L'équipe de hockey des Corsaires de Nantes cherche son hymne et vous propose de le créer. Le concours se fait en partenariat avec le Hellfest, partenaire majeur du club. Style musical, metal, punk rock, Celtic punk. » Bah attends, ils sont encore là, les Bracos, il y a peut-être moyen de faire un truc, non ? Ah, Celtic Punk, Celtic Punk, moi ça me semble, c'est ça. Hein. On a peut-être une possibilité, en effet, de choper de nouvelles parts de marché. Et avec dans le jury, Daniel Babka, qui est le coach de l'équipe de hockey des Corsaires de Nantes, Johan Lenevé, le cofondateur du Hellfest, Derek Green, le chanteur de Sepultura, ça c'est cool, Billy Graziadei, guitariste de Biohazard, Roy Lozano, guitariste de Downset, et Alain Vérave, directeur marketing d'Epitaph Records. Eh ben ma foi, on ne le fera pas. Du voilà. Monde. Merci pour ce mail. Tu viens de gâcher de l'électricité pour rien. Bravo. Oh, tout de suite. T'as pas. Après, c'est quand même mieux que d'autres trucs qu'on reçoit. C'est pas ton rêve, ton droit d'y croire, ça. Non, j'adorerais qu'on fasse Hysteria au Hellfest. Par contre, ça, ce serait bien. Ça, ce serait la classe. Et je crois que le Hellfest nous écoute aussi, puisque nous sommes à 2000 auditeurs, d'après ce que me disait la régie. La régie qui ne nous écoute plus. Elle ne répond plus. La régie ne répond plus. 1999 auditeurs, du coup. La régie qui... Ah, 3000 auditeurs. 3000 auditeurs. Et j'ai l'impression que mes jingles sont pas forts du tout. Ouais, tu sais, au pire. Ah, mais c'est pour ça. Décidément. Je ne sais pas si on t'entend dans le stream toujours, mais... Ah, là on l'entend. Allez. Formidable, la douce voix de l'indéboulonnable Robin, donc. Présent avec nous pendant que Charles continue à suivre ses réseaux sociaux. Là, je mets mes stories, voilà. Il a fait sa story sur... Il est content. Ouf. T'as été gâté à Noël, mon chéri. Ouais. On va en parler, j'ai l'impression. Ouais. Boap, boap, boap. C'est un peu de grenouille, boap, boap. Ah, c'est peut-être pas une imitation de grenouille, boap, boap. Eh ben, tout de suite, une imitation de grenouille par Pasteur Charles. C'est parti. Boap, boap. Vas-y, fais ton jingle. Ça, c'est un jingle aléatoire. Boop, boop, boop, boop, boop, boop. Et on s'y croirait, hein. C'est fou, non? J'ai vraiment l'impression d'être dans un bayou. Boop, boop, boop, boop, boop. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ça, c'est la vraie question. N'oubliez pas de le sampler pour vos prochaines productions de musique électronique! Voilà. Et alors que mon ordinateur fait la gueule et s'éteint. Non, tout va bien. Ah. On se retrouve donc pour parler des 7 ans à venir du truc mécanique. Ah, à chaque fois, ça me hérisse. Ça t'hérisse. Ça me hérisse. Formidable. Ah, tu veux qu'on te donne le line-up? Ah bah oui, on veut un line-up, s'il te plaît. Alors, nous aurons le 16 février à la station Gare des Mines, dans le cadre de Anti-Club 4 Magnificent Magnificent. Tu peux le faire avec un bel accent? Magnificent 7. Parfait. Magnificent 7, donc. Nous aurons donc droit à un live de Télédétente 666. Baladur, Bayram Billy, ah. Technomum, Coeval, Marais. Excuse-moi, je crois que tu as accroché sur l'un des noms. Sur qu'on ne peut pas annoncer. Ensuite, c'est con parce que c'est bien. Ah, c'est con parce que c'est bien. Ensuite, mais alors, mais laisse-moi finir mon line-up. Ensuite, il y a Stepping Klein en back-to-back avec Quentin Pierce et le Supreme LTM. Voilà. Le Supreme LTM, donc le Supreme Turc, mais le truc mécanique. Ah, tu étais presque. Décidément, il y était presque. Mais donc, du coup, tu veux dire que ce groupe... Alors, c'est pas ça, c'est... Tu veux dire que c'est une occasion qu'il ne faut surtout pas manquer ? Il faut surtout pas en manquer aucun. Voilà, donc il faut venir à 22h. À 22h. Et ça se terminera à quelle heure, Charles ? Ça se terminera pas, en fait. Ça se terminera jamais ? On compte vraiment sur la station pour nous laisser vraiment toute la journée du lendemain, tranquillement. On fera un atelier... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme atelier ? Je propose gravure sieste, sur bois. Gravure sur bois, fabrication de cuillères, tout ça. Twister. Un petit twister, un délicieux twister d'after, un twist futter. Ah, un twist futter. Et une confection de piñata aussi. Une confection. Alors je crois, Lancelot, que tu as inventé ce jeu, le twister. Ouais, en 92. En 92, tu as inventé le twister. Ouais, en 92, j'ai inventé. Alors peut-être tu peux nous. Une chronique sur le twister. Bah, nous donner au moins les règles du jeu. Il me semble qu'il faut déplier un grand tapis avec quelques ronds de couleurs. Oui. Un tapis de type carré, me semble-t-il. Hein. Ouais, de type carré, en effet, c'est ça, avec des cercles à l'intérieur. Alors, y a-t-il une taille réglementaire pour le tapis de type carré ? Je crois que c'est 2 mètres sur 1 mètre 45. Très bien, donc un carré de 2 mètres sur 1 mètre 45. En tout cas, le tapis homologué, en tout cas, est carré et de cette taille. C'est le twister pour nain, quoi. Alors, bravo, suite à ces blagues validistes. On va peut-être pouvoir reprendre l'émission dans de bonnes conditions. Il y en a qui sont venus parler de trucs mécaniques. Les Social Justice Warriors sont là, quoi, voilà. Ah bon, où ça? Je sais pas. Ce social justice warrior, c'est l'autre nom des gilets jaunes. C'est non, c'est le nom de. Ouais, j'ai pas envie. T'as pas envie parce que c'est fatigant. C'est parce que je suis sobre tout ça. C'est fatigant. Il est sobre. Il boit du Perrier. C'est une émission sans alcool aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à aller voir ce merveilleux podcast où je suis cuit comme un dindon. Parce qu'il oui, y en a un. Il est quand même assez mythique. Merci pour les dindons. Le dernier épisode de la saison 1, si je ne m'abuse. Je veux pas le savoir. Ce bon vieux Maxence Tomasso en Tracte Twist. Qui sortent cette semaine d'ailleurs leur album, enfin. Qui est ma foi assez qualitatif. Est-ce qu'on en a un peut-être à écouter, même si c'est pas la promo de Requiem pour un Twister, on peut peut-être leur, tu vois. Avec plaisir. Voilà. Ah bah écoute, on peut. Allez, toujours, évidemment. Alors, vas-y. Mais alors. Pas le même que d'habitude, j'espère que t'as le disque entier quand même. Hein. Alors. Un bien coldos si t'as. J'ai les S ou hors service. Hors service, je sais plus lequel j'avais écouté. Moi, j'ai écouté que le single qui est vachement bien. Ça me suffit de dire qu'il est bien d'ailleurs le disque. Eh bien, ça tombe bien puisque de toute façon, les S, c'est un morceau exclusif. La première fois que tu l'as entendu, c'était dans Vaticool et on l'écoute de suite. We'll be right back. t'es trop cool. Vaticool, t'es trop génial, cool. Génial celui-là. Ouais, est bien. Ton meilleur jingle, Roger. Et Vaticool, épisode 30, en compagnie donc du truc mécanique. Charles Crowe, dit Pasteur Charles, et Thomas Durebiz. Dit Pasteur l'homme. Biz. Pasteur Biz. Dit Thomas. Dit Thomas. Dit Thomas. Thomas. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Également avec nous Lancelot du bar, qui a désormais trouvé son nom et qui est en train de me piquer ma bière. Merde, je déconne. Il déconne là, tu déconnes complètement Lancelot. Alors ce qu'il faut savoir sur Lancelot également, c'est que d'après certaines rumeurs, ce serait lui qui serait au niveau des ressources humaines du bar de la station. On va pas en reparler putain. On a déjà passé un after d'à peu près 18 heures à discuter de ça, moi je veux plus en entendre parler. Je serais le gilet jaune de la station. Notre délégué syndical ou DRH du coup, j'ai pas tout à fait compris ça. Je fais deux rôles. C'est alors sombre. Qu'il est c'est sombre. Alors qu'il est en train de me voler des cigarettes une fois de plus. Ah tiens, pépété. Tu m'en envoies une? Oui, bah oui, servez-vous dans mes clubs. Tu me dois toujours beaucoup d'argent, hein, parce que on va se calmer de suite. Et alors que. Le soleil. Le silence s'installe dans une certaine zone. Le soleil décline. Le silence commence à s'installer. Le malaise commence à devenir présent. Alors également. On est à 16h19. Il nous reste à peu près 40 minutes d'émission. Oui, heureusement, il y a des bonbons. Et heureusement qu'il y a des bonbons. Il y a des bonbons. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on répartit le travail chez le truc mécanique? Bah, Thomas fait tout et moi j'ouvre ma gueule globalement. Tu peux dire ça dans le micro et sans Thomas manger des trucs en fait. Non, juste pour les auditeurs en fait, Thomas, moins, ce soit un peu compréhensible. Thomas fait tout et moi j'ouvre ma gueule. Non, c'est pas vrai. La partie principale du travail, c'est de sortir Charles du lit. Ouais, c'est à peu près ça. Il y a une fois où je suis resté bloqué devant chez lui pendant une heure et demie à toquer et tambouriner sur sa porte parce qu'il avait éteint son portable, ce gros trou de balle, et la porte était fermée. Il était 15h, bordel à queue. Et il faisait froid de ouf dehors et je l'ai tambouriné comme un porc. Je crois que désolé. Le voisin a flippé. Et il a fini par descendre dans son habit de nuit qui se constitue d'un drap vaguement coupé au niveau des bras comme ça où ses parties dépassent très légèrement. Alors je ce qui a un côté sensuel et assez accueillant tu vois quand t'arrives chez lui. Mais bon là j'étais venu pour travailler. Du coup voilà bah, c'est possible aussi hein. Un petit séminaire prochainement sur le harcèlement sexuel au travail, ne pas montrer ses parties. Ah non par contre, c'est toujours fait avec beaucoup de douceur hein. c'est important. Ah, ça va alors. Non ça, je ne laisserai pas de mensonges se propager. Alors voilà comment ça se passe chez nous. Peut-être bien compris. La journée, voilà. La journée type du truc mécanique, ça donne quoi? Non, mais on fait ping-pong. Heures, on se réveille. C'est toi. Petit con. Non, je sais pas. 7h ou 16h, j'ai cru mal. 17h. Ah, 17h, très bien. 17h du matin, donc oui. 17h du matin. L'heure des champions, petit déjeuner? Alors non, clairement, directement, on commence par une clope, quoi. Ensuite, on descend boire. Le petit déjeuner des champions, donc. Un café froid, parce que c'est quand même meilleur. À partir de là, on regarde des mails, on y répond. D'ailleurs, pas. Il s'est mis au décaf et c'est absolument et dégueulasse. Il s'est mis au décaf. C'est dégueulasse. Comment non, alors ça, c'était notre ancienne vie. Maintenant, on se lève à 7h, à 10h, on est au bureau, on commence déjà à envoyer nos petits PowerPoint à nos partenaires. Depuis qu'on est devenu une start-up, c'est bon. Les enfants de Macron. À notre leader de télédétente. Hein. Absolument, qu'on retrouvera également à l'Anticlub. L'Anticlub Magnificent Seven. Absolument. 16 février. C'est une occasion qu'il ne faut surtout pas manquer. Voilà, voilà. Très bien. Donc, café froid, mail pas répondu, et on charbonne. Et après, écoute, je sais pas, après on fait une crise d'angoisse en se disant qu'on n'a pas répondu à tous les mails. On envoie les disques un mois en retard, et puis voilà. Zou. Non, alors que Lancelot prend un appel et tu vas répondre à l'antenne, Lancelot. Je sais pas qui c'est, on est en train de m'embrouiller pour des thunes que je dois, alors je sais pas si c'est. Ah. Ça va terminer dans les sous-sols de la station. Non, dans la nature. Alors que oui, effectivement, toute l'équipe est en déficit budgétaire actuellement. Le truc mécanique a des dettes envers moi. Alors on a réussi, alors moi j'ai des dettes envers toi, mais on a quand même réussi, faut le noter, à être juste à zéro il y a 2 jours. Bravo. Bravo. Parce que quand même, voilà, on était plutôt contents. Sachant qu'on a quelques rentrées d'argent qui nous sécurisent notre activité. Grâce à des partenaires qu'on embrasse. Des partenaires qu'on embrasse grâce à des business angels. Alors peut-être un petit mot sur ses partenaires. Alors, Xavier Niel, tout ça. Quoi. Xavier Niel, comment ils s'appellent les autres Monsieur Grandjon aussi, hein. Salut ici avec les cheveux longs. C'est le mec de vente privée. Ah oui, bah, très bien. Ah bah oui, c'est, mais ils sont pas en procès là. Aucune culture business, bordel. J'ai aucune culture business. Non. C'est donc là qu'on voit qui est le carnet d'adresse voilà, finalement. Le vrai commercial de la maison, c'est Thomas quoi. C'est moi je suis un peu. Durambise. On l'appelle Durambise, évidemment. Bien vu. Et moi, écoute, je suis un peu ce petit génie de la programmation internet qui prépare les applis. Tu ne te mets pas de jingle quand c'est toi qui fais une super vanne, un bête de calembour. Hein. Non, oui, écoute. Tu devrais avoir un jingle camembert. Voilà, merci. C'est pas un jingle, c'est le vrai public déchaîné de cette émission que tu vois tout autour de toi dans cette cathédrale. Merci, public. Ah oui, et oui. Et oui, et c'est de la radio, si tout le monde s'arrête de parler, ça n'intéresse plus les gens. Bah, absolument. Ça intéresse grand monde. Mais si, ça intéresse le monde, on est 4000 apparemment, d'après la radio. Mais grosso modo, le truc est un label qui travaille bien. Hein. Le truc mécanique, quand tu le vois pas trop, ça, moi en tout cas j'arrive à peu près à travailler. Sinon Thomas est plutôt performant en général. Moi ça dépend, mais là je suis dans une bonne phase. Vous faites tourneur aussi ou c'est... Alors est-ce qu'on fait tourneur? On fait tourner en tout cas. Charles le fait un peu au final quand même pour les groupes. Ouais, ça marche plutôt bien. Mais ça on prend plutôt pas mal. On prend pas de thunes dessus parce que c'est pas trop notre boulot. Puis que dès qu'on peut prendre de la thune, globalement en général on le prend pas. Donc parce qu'on est quand même très nul en business finalement. Je confirme. Mais ouais, on fait ça, ouais, on arrange, on passe les plats, tu vois, on passe un peu les plats, on fait un peu de management, de tournage. Vous placez vos pions finalement à droite à gauche. Alors les groupes sont pas des pions, hein. Ouais, le but de cette vaste aventure, c'est quand même de faire grandir les groupes, de faire en sorte qu'ils puissent voilà, se développer et jouer leur musique partout où ils peuvent et se faire écouter par toutes les oreilles possibles, donc voilà, forcément. On n'est pas un label de catalogue, dans le sens où on collectionne pas des disques comme ça de gens qu'on connaît pas trop, enfin tu vois, genre... On collectionne les groupes pour leur sucer leur âme. Voilà. Ah, très bien. Et comment ça se passe alors le suçage d'âme? Vous fermez ma gueule, je pense. Et bah écoute, comme le disait très bien Gonzai, je retrouve plus la phrase, mais globalement, on travaille vraiment à réduire leur espérance de vie. Tu vois, c'est des années de boulot pour ça, quoi. Voilà. Donc la plupart d'entre eux sont d'ailleurs d'ores et déjà en cours de décès, hein, d'ici peu de temps, je pense. On verra très vite les premières rockstars de notre époque. Deux, trois noms de ces rockstars. Non, c'est alors par contre, on a un Excel à la maison, mais on te retrouvera ça et je te l'enverrai en off de l'émission. Ah, donc ça reste finalement des dossiers assez confidentiels. Bah écoute, c'est quand même de la magie noire, quoi. Donc faudrait quand même pas que. Tu vois, que ça sache. Et on s'y connaît chez Vaticool en magie noire. Je rappelle le semi-exorcisme de Jean Felsine lors de l'avant-dernière émission. Ah, je ne l'ai pas écouté, c'est la merde. Et non, tu ne l'as pas écouté. Si, je l'ai écouté. Ah non, je ne l'ai pas écouté. Bah, mais j'ai parlé avec Jean avant pour qu'il te fasse un bisou. Ah, chic. Exact. Il a juste fait l'exorcisme. Voilà, ça suffisait. Alors, on écoute un autre truc? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter ce coup-ci? On a une petite exclue de Technomum. On a une exclue de Technomum, ça peut être chouette. Et ça peut être chouette de mettre un bon gros tétec. C'est le groupe le plus vieux du Turc Mécanique, c'est-à-dire que je les connais depuis le lycée, ils ont toujours été dans nos pattes depuis qu'on a commencé, et ils vont sortir prochainement, alors prochainement c'est toujours un sale mot, mais dans la saison, un album qui ma foi est excellent, qui a été produit par notre ami Polyjean, et qui est un album complètement hors norme de musique. Un producteur de grande qualité, Polyjean, hein, qui allez, a aussi bah, on, allez, sur le disque de Braco pompe, qui va sortir cette année. On pompe si on peut avoir une réduc. On ira. Non, Poly est excellent. Là, tous nos disques passent à peu près entre ses doigts. N'hésitez pas à travailler avec lui, mais pas trop, parce qu'après, il n'aura plus le temps pour nos conneries. Donc il va monter les tarots et tout. Mais ça pas va trop. Donc, ouais. Technomum, le morceau s'appelle Siafu. Siafu, je sais pas. Personne ne sait, mais ouais. On peut peut-être les appeler pour demander à la fin de la Nous l'avons sous l'alias Siafu, en tout cas. Écoute, sous l'alias Siafu, c'est une exclusivité et c'est tout de suite dans Vaticool. Bah oui, c'est quand même le but. Ouais. Vaticool, épisode 30, en compagnie de Charles. Allô ? Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. C'est très étrange. En tout cas, on a un beau buzz. Oui, c'est vrai que ça se... très beau buzz. Non, mais c'est l'alimentation, non, en fait. Très beau buzz, c'est l'alimentation, parce qu'en fait, il reste 27%. Tout peut se couper à tout moment. Ah bon ? Ça, c'est bien. Bon, je vais... On va tenter le sans buzz. On passera plus de musique. Voilà. Alors, et donc, Vatico, l'épisode 30 en compagnie de Charles Cros, de Thomas Durebiz et de Lancelot Dubar. Puisqu'il m'a juste dit « Oh, appelle-moi Lancelot !» Mais il manquait un truc derrière, sinon c'est pas drôle. Oui. Du coup, désormais, ton nom sera Dubar, mon vieux. Dubar. C'est comme ça. Tu n'y peux rien. J'ai été baptisé. Tu es baptisé, en effet, sous l'église du coup. Tout ça pour faire oublier que t'as pas de questions, c'est quand même fou. Hein. Je trouve que tu es un peu médisant. Écoute, moi je suis... Parce qu'en effet, on en a appris beaucoup, mine de rien, depuis tout à l'heure, sur le fonctionnement, notamment, de ce beau label qui existe. On m'entend, arrête de ça. C'est comme ça qu'ils se sentent plus à l'aise. Laisse-le, vas-y, mon Charlot, bouffe-les. Bouffe-les tous, mon Charlot. Alors que Charles s'empiffre. Il a bavé sur le filtre anti-pop, c'est formidable. Heureusement que l'émission suivante ne parle pas trop, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, j'espère pour eux. Bof. Je suis sûr que quand la technologie sera suffisamment avancée, on pourra faire des petits clones de toi grâce à ce filtre anti-pop. Et vous avez des projets de croissance et tout ça, c'est que ça... Alors, quels objectifs, effectivement, pour 2019? Alors moi, je compte prendre 10-15 cm à peu près. C'est un peu... Centimètres de quoi de... Alors, de taille globale. De taille globale. Pas, voilà. De tour de taille de... Alors, de tour de taille, c'est bien parti. J'avoue que bah, comme je le dis, là, un peu... ces temps-ci, je suis un peu en train de boire du Perrier et je t'avoue que je compense pas mal sur tout ce qui est un peu bouffe grasse. Voilà. Et ma foi, c'est un peu... Bon, il faudra repasser par un régime qui fera que je vais compenser pas mal par autre chose. Je sais pas encore quoi. Mais... Oui, donc en fait... Le régime Katmas. Le quoi? Le régime Katmas. Voilà, le... exactement. Exactement. Une trace, un quignon de pain. Aïe, de coca, de la bœuf, Charles. De la bœuf. De quoi? De la bœuf, nous dit. Non, arrêtez avec vos drogues de hippie, là. On arrête, voilà. Hop, terminé. De toute façon, le CSA va pas vous laisser parler. De toute façon, ça te fait dormir, ça, non? Ouais, c'est ça. Ça te rend peut-être plus agréable. C'est vrai. Je peux vous entendre. Parlons de choses intéressantes. Et justement, bah c'est bien. Un rail de coke, un café. Oui, parce que j'ai depuis hier soir que je parlais de karaoké avec toi, je ne sais absolument plus pourquoi. J'ai Personne n'a jamais su pourquoi, je crois. Moi non plus. J'ai cette belle chanson, Manhattan Kaboul, de Renaud et Axel Red dans la tête. Qui est très sympa à faire en karaoké, c'est à dire. Oui. Ah, bah tu as trouvé ton partenaire de karaoké, c'est bon. Mais non, moi, je voulais que ce soit toi. Bah, tu peux. Je te vois bien en Axel Red. Quand je te devrais 200 balles. Axel très très raide alors. Ouais, très très raide. Mais quand je te devrais 200 balles, ça me servira à faire sauter ma dette, tu vois. Je le garde sous le coude. Tu penses vraiment que ça pourrait faire sauter ta dette que de chanter en karaoké avec moi? Bah, c'est tellement ton rêve. Tu vas me le dire dans le micro et puis tu vas te calmer. Tu peux parler dans le micro, Charles. Oh, laissez-moi parler loin du micro quand je dis des conneries quand même. Non, pas surtout pas. C'est de la radio, tu es censé dire des conneries. Ok. Oui, non, alors, après, c'est moi et qui à la radio, on écoute aussi de la musique. Alors, on va écouter de la musique, ouais, parce qu'on a clairement plus rien à dire. Bah, Strasbourg, celle des fêtes, c'est l'exclusivité. Il est arrivé. Je vois pas de quoi tu veux parler. D'accord. Il a toujours été. Alors, là, il est sorti ce matin. Il est sorti ce matin. Et la première fois que tu l'as entendu, c'était dans Vaticole. Bah, première fois que tu l'entends. Épisode 30 en compagnie de Charles Cros, Thomas Durebiz, Lancelot Dubar. Lancelot Dubar donc. On fait une dédicace à l'orteil de LL Cool Joe. Voilà. Ouais, parce qu'il s'est cassé l'orteil et ça fait mal. Ouais. Ça pique. On a peut-être plus de précision sur quel orteil il s'est cassé ou... Alors non, mais je crois que les circonstances, c'est quand même une chute de retour sur le pied, ce qui est il est droitier ou il est gaucher. Je n'ai pas plus d'informations. Bah, je pense que c'est les droitiers, il s'est fait le gauche. Mais il est fort possible qu'il joue en fauteuil ou en béquille à Mofo. Ouais. Le 25, le 26, le 26 janvier prochain. Le même soir que Tôle Froide. Le même soir que joue Tôle Froide, mais Tôle Froide joue vers 19h30, je crois. Donc on a pile le temps d'aller de Lafayette Anticipation à Main d'œuvre pour enchaîner les deux concerts. Et c'est assez direct en plus, il me semble. Absolument. C'est géré, ça. Ah bah, je n'en sais rien. Écoute, moi qui suis Eudonien. Je peux te le dire. Formidable. Au pire, tu prends ta délicate trottinette électrique et tu vas vaillamment, flamboyant, entre les deux clubs. Quoi, et l'affaire est dans le sac. Alors que Cheveux de Feu est actuellement dans la régie. En train de nous faire des coucous et nous envoyer des bisous. Peut-être va-t-il rentrer dans le studio, on ne sait pas Allez encore. Allez, on ne sait pas. Ça on ne sait pas encore, très, très mais... Je... studio, est-ce qu'il est toujours en jeûne? Tu es toujours en jeûne? Non, alors non, il a complètement arrêté, il s'est remis directement à la picole. D'ailleurs, ça se voit à sa gueule. Hein. Ah, il est heureux. Heureusement qu'il n'y a pas l'image sur Station, parce que des fois, c'est dur. Rejoins-nous, Cheveux de Feu. C'est bon. On est en famille. La station. Et Cheveux de Feu en train de rentrer en émission. Coucou, Val. Bonsoir à tous. Pas grand chose à dire, vous pouvez continuer. Bah, tu veux un témoignage sur le jeûne. Une petite actualité peut-être, Cheveux de Feu Une actualité, bah là j'ai juste entendu que vous parliez du Mofo, le meilleur de festival de Paris-Île-de-France. Du coup, j'officierai en tant que DJ avec mon nouveau duo Saint-Antonin-Nobleval le samedi 26 et le jour où je rentre à Strasbourg. Le duo légendaire, c'est le duo légendaire. Qu'on a encore très peu vu, mais qui vaut le détour. C'est moi, mais. Je demande qu'à être regardé. De source sûre. Ils ont une maîtrise de la musique mid-tempo assez incroyable. Voilà. Ouais, le mid-tempo qui se situe à peu près entre 80 et 140 BPM, voilà. C'est un peu... C'est exactement ça. C'est la notion de mid finalement qui est vraiment entre deux extrêmes. Non, et puis non, moi j'aimerais qu'on parle de jeûne, tant que t'as voir là, parce que je voudrais quand même savoir comment ça s'est terminé cette affaire. On peut en parler à la radio, c'est pas plus mal. Moi je veux te parler de ma détox, hein, mais ça a pas trop marché. Jeûne VS détox, qui va gagner? Non, bah écoute, je termine un jeûne de 5 jours à l'eau. Je n'ai bu que de l'eau pendant 5 jours. Tu veux un petit coca? C'est un petit peu trop fort pour moi. J'ai risque de faire une overdose. Non, bah c'était dur. C'était compliqué. Je me relève doucement. J'ai eu des images de bouffe dans la tête pendant 5 jours. Et là. Et là, tu manges des carottes? Là, je suis justement un peu en fin de carotte, quoi. Voilà, je vais doucement pouvoir me diriger vers des choses plus intéressantes comme le fromage et le pain. Des choses qui m'ont beaucoup manqué, qui m'ont fait souffrir, mais non, ouais, c'était c'est compliqué. Ouais. Faut pas avoir trop de choses à faire, quoi, sinon tu t'évanouis. Ouais. Voilà. Très bien, donc porter des trucs lourds, ce genre de trucs, c'est clairement pas pour ça. Bah non, faut pas trop, sinon vraiment, je te jure, tu commences à voir tout noir et ça. Voilà. Ah, attends, bah, c'est marrant, ça, c'est marrant, ça. C'est marrant. Après, c'est... Moi, ça me fait ça quand je porte des trucs tout court, en fait. Des trucs courts de manière générale. Voilà, je m'évanouis, c'est pas en rapport avec la bouffe. Et je t'ai rarement vu porter des trucs. C'est bien pour ça. C'est comme Eric, c'est Pasteur, c'est le genre de mec. Ouais, faut porter un truc. Ouais, j'arrive. Hein. J'arrive, je roule une clope. Il ne vient jamais. Voilà. Et ben voilà. C'est ce que je peux vous dire. Et bien, tu te sens mieux? Pour l'instant, ça va. Ouais, je me sens assez léger. Comme un albatros. Je vous dirai ça d'ici quelques jours en fait. Ça roule. Voilà. Tu seras peut-être le prochain invité de Vaticool. Dans le prochain épisode de Vaticool, on saura. En tout cas, faudrait que tu viennes faire un rapport santé. Ouais, n'hésite pas à préparer une chronique. Docteur Val. Bah oui, la chronique santé de. Moi, je veux bien faire l'expert diététicien, quand vous parlez de kebab et tout, vous dire. Ah bah figure-toi que nous avons une émission faite pour ça, le Station Fooding Club. D'accord, et une fois par mois. Une fois par mois, la prochaine n'est pas encore annoncée. Première, non, mais il n'y en a jamais eu. Si, il y en a eu une. On a fait une sur moi, oui, avec Max Antoine. Avec ce bon vieux Max Antoine Hardcore. effectivement, que l'on salue, Galop Salop. Ah, c'est pas mal, faut absolument inviter Eric, il est quali sur le kebab. Il est quali sur le kebab. Nous, on a nos adresses avec, Eric. Je vous conseille notamment en haut de la rue Poulet, le Bosphore. Bien. Allez. Hein, le Bosphore, il est avec, comme dirait Eric, c'est avec, il a la frite bien croustillante. Et ça, c'est très important pour notre Eric Steele à qui on fait une dédicace. Eric Steele, notre papes à tous. Exactement. Que l'on salue. Notre père à tous, finalement. Peut-être. Vatico, l'épisode 30, c'est donc beaucoup de thèmes abordés. Le 7 ans du truc mécanique, la bouffe avec ce grand vieux Nobleval. Enfin, la non-bouffe, du coup. Oui, l'absence de nourriture, en fait. Et alors, évidemment, attends, les bonnes chroniques de Lancelot. Alors, Lancelot qui va nous faire une chronique sur les meilleurs types d'eau pour le jeûne. Alors, quelles sont les meilleures marques d'eau, Lancelot, ces temps-ci? La Épar, c'est la plus dégueulasse. C'est l'eau. Le vrai spécialiste en eau, depuis 5 ans. Excusez-moi, il y a un spécialiste. Ça file la chiasse, la Épar. Et puis, la Épar, je crois que c'est l'eau pour les femmes enceintes. On m'a toujours dit ça et j'ai toujours trouvé que c'était dégueulasse. Comme... Ouais, bah, je sais pas, ça doit être les femmes enceintes vont avoir des problèmes de palais. Ouais. Tu restes sur la Épar. Ouais, bien sûr. Après, il y a la magnésium. Ça peut marcher avec n'importe laquelle. Hein. Tu peux dire, il y a sûrement de l'évian magnésium. Non, tu veux dire que tu aimes beaucoup le magnésium dans l'eau, finalement. C'est ça, les bonnes bouteilles d'eau dégueulasses. Les bonnes bouteilles d'eau trop minéralisées. C'est exactement ça. Ah, mais la ce qui explique beaucoup de choses. En réalité, tu es enceinte, Lancelot. Incroyable, tout de suite un nouveau morceau. Alors qu'est-ce qu'on s'écoute? On s'écoute quoi? J'ai du Monsieur Crane. Ah, on s'écoute le nouveau Monsieur Crane. Le nouveau Monsieur sur Crane. Distag Records, un chouette label de cassette qui a déjà sorti pas mal de trucs bien et dont je vous recommande d'aller dépenser votre argent si vous le dépensez pas chez nous, parce que dépensez-le plutôt sur nos gueules au choix, mais chez eux, voilà. Et donc on va écouter le morceau. Le morceau s'appelle De Marbre et d'Ébène, et qui est vraiment super chouette. Et c'est parti comme titre. De l'été, finir sous la mousse, sans se retourner. de la station. Moi, ça me fait penser qu'on aurait peut-être dû, si j'avais pas été en gueule de bois, peut-être prendre une petite part sur ce disque, parce qu'il est quand même vachement bien. Voilà, mais c'est pas grave, on prendra un prochain. On en a déjà sorti en plus, qui était super. Oui, et n'hésitez pas à nous donner de l'argent pour lui, qui est sur Bandcamp, c'est en téléchargement libre, vous pouvez nous donner 1 ou 1 million d'euros. On prend le chèque. Ah oui ? Bah oui aussi, ouais. Oui, tu prends tout, toi, de toute façon, t'es... chèque, PayPal, la carte bleue. Des annonces, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Déjà ? Mais oui, déjà. Ça passe vite. Bah, qu'est-ce qu'on a de plus à annoncer qu'on a déjà annoncé ? On va rappeler à nos chers auditeurs que le 16 février, ça se passe à la station. Bien sûr, c'était formidable. De toute façon, on est déjà venu, on viendra. Bah, toi, t'es déjà venu, laisse un peu de la place à ton collègue, merde. J'ai l'impression d'être sous sans être sous. Très heureux. C'est la fumée de Davidoff. C'est la fumée de Davidoff. J'ai assez d'air dans mes poumons, tu sais. Ça pique les yeux. Alors, au line-up de cette fête du 16 février à la station, qui s'appelle donc Magnificent Seven sur Facebook, vous trouverez ça. Alors, il y aura donc Télédétente 666, Baladur, Byram Billy, Technomum, Coeval, Marais, Steeping Climb, B2B, Quentin Pierce et le Suprême LTM. Voilà! Belle soirée, on en est sûr. Eh ben, on en est plus que sûr. D'autant qu'on aura sûrement des petits ballons pour faire des faux attentats. Ouais, j'allais en acheter tout à l'heure, ils sont trop bien. Allez. Formidable. Et quoi d'autre sinon ? Alors, dans le programme de ceux qui jouent, il y a donc October Lieber à la machine du Moulin Rouge. C'est bizarre, ça sonne un peu comme. Mais. C'est le 25 janvier. Ensuite, le 26, il y a donc Tôle Froide à Lafayette Anticipation pour Closer Music. Et Strasbourg, plus tard dans la soirée. Alors, c'est à main d'œuvre pour le festival Mofo. Voilà. Après, je crois que j'ai rien oublié. Au pire, démerdez-vous. Voilà. Alors, le Turc Mécanique, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, @leturcmecanique, il me semble. Exactement. Et vous avez Twitter ou pas ? On a un Twitter mort. Vous avez un Twitter mort, c'est parfait. Lancelot, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ? Bah, dans 2 semaines, avec mes chroniques chez toi, Roger. Ah bon ? Et au bar de la station. Et sinon, au bar de la station. Au bar de la station, tous les vendredis et samedis, bien sûr. L'homme aux rapist glasses et aux relationnels clients très particuliers. Ah, tu es du genre de ceux qui insultent les gens ? Non, il les reçoit avec particularité. Comme à la maison. Comme à la maison, finalement. D'accord. La main dans les cheveux et la bave au coin des lèvres. Toujours un peu de commissure au coin des lèvres. Voilà. Invitation au voyage. Quant à moi, vous pouvez me retrouver donc ce week-end au bar de la station avec ce bon vieux Lancelot. Mais également le 25 à Carambol dans le 18e et le 26 à Brume. C'est des vrais bars, ça ? Ouais. Ça existe vraiment. Bookez-moi aussi, je prends un peu plus. Hein ? Oh, je sais pas. Je sais pas. Ah, si, à voir. Ouais. Bon, on verra. Sinon, moi aussi, j'organise à la Rotonde d'ailleurs ce week-end. J'ai le plaisir d'inviter le label Gasp Records avec Jacques Torrance et DJ Psychiatre. Je fais ça en compagnie de Marais et ça va être super. Voilà, venez, c'est 6 balles. Et c'est ce vendredi. Également, je tiens à annoncer le décès de Didier Hendrix, figure montmartroise, qui nous a quitté récemment. Son enterrement aura lieu demain à Père-Lachaise en début d'après-midi. C'était Roger Delisle, le pape du cool. L'émission s'appelle Vaticool. As-tu déjà... Dans 5 minutes, oui, je sais. As-tu déjà connu l'amour ?